avec lui. Emporte le temps, les souvenirs d'un printemps effaçant ton regard dans cette opaque brouillard qu'est la lumière de ce phare perdu dans le hasard de ton miroir. Tu verras que tout recommence. Tu verras que tout recommence. Face à l'écume, tout s'efface dans les grimoires. Ton image vous repasse malgré les volte-face de ma mémoire. Pour que tu refasses surface dans mon histoire. Tout recommence. Où la face cachée de ma mémoire qui s'efface malgré les souvenirs indélébiles. Aucune gomme n'efface à la surface de ton miroir. Refaites nos faces cachées. Tu verras que tout recommence. Tu verras que tout recommence. Nos secrets en face à face, nos âmes qui referont surface dans l'infini de l'espace. Tu verras que tout recommence. Tu verras que tout recommence.